بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif, Lam, Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. C'est une guidance et une miséricorde pour les bienfaisants. Pour ceux qui accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et croient fermement en l'au-delà. Ceux-là sont guidés sur la bonne voie par leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم Et parmi les hommes, il y a celui qui s'emploie à colporter des histoires frivoles, dépourvues de tout savoir. Il s'en sert pour égarer les autres de la voie de Dieu et prendre celle-ci en raillerie. Pour celui-là, il y aura un châtiment avilissant. Et lorsque nos versets lui sont récités, il se détourne plein d'arrogance, comme s'il n'avait rien entendu, comme si ses oreilles étaient atteintes de surdité. À celui-là, annonce donc un douloureux châtiment. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Certes, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, sont réservés les jardins des délices. Dans lesquels ils demeureront éternellement. C'est en vérité une promesse de Dieu. C'est lui le puissant, le sage. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Il a créé les cieux sans piliers visibles et enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de s'ébranler sous vos pas. Il y a propagé des animaux de toute espèce et du ciel. Nous faisons descendre une eau avec laquelle nous faisons pousser des plantes luxuriantes de toute espèce. Telle est la création de Dieu. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux que vous adorez en dehors de lui. Les injustes sont dans un égarement évident. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّ إنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Nous avons certes donné la sagesse à Luqman et lui avons dit « Sois reconnaissant envers Dieu, car quiconque est reconnaissant ne l'est que pour le bien de son âme. Quant à celui qui est ingrat, qu'il sache que Dieu se dispense de tout et c'est lui le digne de louange. » Et quand Luqman dit à son fils en l'exhortant « Mon cher fils, n'attribue jamais d'associé à Dieu, car lui attribuer des associés est vraiment une injustice énorme. » ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a portée, subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage a lieu au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, vers moi est la destination finale. Et si tes parents te contraignent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis point. Cependant, comporte-toi avec eux en ce monde d'une façon convenable, et suis le sentier de celui qui revient repentant vers moi. C'est vers moi que vous reviendrez, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ya bunay innaha in taku mithqala habbatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Mon cher enfant, une faute fut-elle d'un poids aussi infime que celui d'un grain de moutarde, et fut-elle cachée au fond d'un rocher, ou quelque part ailleurs, dans les cieux ou sur la terre, Dieu l'exposera. Dieu est subtil et parfaitement informé. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ô mon enfant, observe rigoureusement la prière, recommande le bien, et empêche ce qui est mal, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ne détourne pas ton visage de tes semblables par mépris envers eux, et ne foule pas la terre avec insolence, car car Dieu n'aime pas l'arrogant infatué de sa personne. Sois plutôt modeste dans ta démarche et abaisse le ton de ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien celle de l'âne. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. Ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits, aussi bien apparents que cachés? Et pourtant, il y a des gens qui discutent de Dieu sans aucune connaissance et sans guide, ni livre, qui puisse les éclairer. Et si on leur dit « Suivez ce que Dieu a révélé », ils répondent « Nous suivons plutôt ce que suivaient nos ancêtres. » Mais quoi? Même si Satan les invitait au châtiment du feu? وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Quiconque soumet son être à Dieu tout en faisant le bien, se sera assuré l'appui le plus solide, et c'est vers Dieu que tout doit aboutir. Et quiconque refuse de croire, que son incroyance ne t'afflige point, c'est vers nous qu'ils seront tous ramenés, et nous leur rappellerons alors ce qu'ils faisaient. Dieu connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur accorderons le confort de la vie d'ici-bas pour un temps. Ensuite, nous les mènerons de force vers un lourd châtiment. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils répondront sûrement « Dieu ». Dis « Gloire à Dieu !» mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. Même si tous les arbres de la terre se transformaient en plumes, et si, pour les pourvoir d'encre, l'océan était un océan d'encre où confluerait cet autre océan, les paroles de Dieu n'en seraient pas pour autant épuisées, car Dieu est puissant et sage. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles pour Dieu que celle d'une seule âme. et Dieu entend tout et voit tout. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ne vois-tu pas que Dieu fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et qu'il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? Et ne sais-tu pas que Dieu est parfaitement informé de tout ce que vous faites? Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le mensonge, et parce que Dieu est le Très-Haut, le Très-Grand. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Ne vois-tu pas que le navire vogue en mer par la grâce de Dieu, afin qu'il vous fasse voir de ses merveilles? Il y a en cela des signes pour tout cœur patient et reconnaissant. Et si une vague les recouvre comme une ombre, ils implorent Dieu, lui vouant une foi exclusive et sincère. Mais une fois qu'il les a ramenés sur la terre ferme, il en est parmi eux qui restent à mi-chemin, entre la négation et la foi. Nul ne renie nos signes, si ce n'est tout traître ingrat. Ya ayyuhan nas, ittaqoo rabbakum wa